Bienvenue à tous sur le tournoi de hiphopfranco.com. Ha! T'es trop souvent sur site, bigdick.com. En somme tes fifs, retombe, actif, c'est relatif. La nous sauvif, parce que c'est assez filiste. That ain't right, I gotta disobey, j'en ain't tight. Ain't right, so that ain't gonna be a real fight. Mais wow, le cynisme, y'a trop de fuck shit. Trop de slots dans ton site, comme ce plot didactique, qui se pratique. Personnel fanatique, de toute façon, j'donne une leçon satanique, j'te nique le con. Méga baston, un coup bâton rapide, tout vis, qui te blesse, madame, liste, laisse. C'est mon nom, moi, par la pique, en heuristique, puis j'applique. J'ai grâce comme un moustique, qui mastique le bras. Didactique. Critique, ton médigo anti-disque, pense top. Je pense, ça broche, je crisse, la twitch, je hop. Tu fais dur, t'as pas les tops. Les écritures, moi j'assure que c'est tout croque. Je brûle le feu de la torche, puis je te floque. Quand j'applique ma shit, puis je m'implique tout site. Pendant que tu joues comme une clit. Quand tu lèches la queue de ta chick, la traverse, c'est tragédie. Je vous décris en deux fucking prêts. En plein orage électrique, j'ai plein de trucs choqués. Moi buté, j'électroquette mon fils de feu, j'accueille ta mec, accueille ta ruche, claque le but, ta grande coupe, je t'aime, moto, c'est tes lames, toi tu la fermes, aucun moyen d'y mettre fin, d'y mettre terme, c'est un engin ferme, qu'a besoin, mais anyway, le drop vient sur ton corps, je sais, ça gueule à coup de katana, ton sang sur glace, ma tequila, arrive, je vais prendre un double, non, tant qu'à ça, amène-moi la bouteille, que je vais te vendre, ton sur la tienne, j'ai mon verre pour te faire taire. Fight, fight, tu vas vivre sur terre. Baby, t'es mieux de mes frères. Passe une semaine de vote-vote, puis si le juge mange l'emporte. Fait que c'est l'enfer qui t'attient. En pause, ça te prenait-tu vraiment pour un chèque? Un chèque de 42 ans, t'es prêt à prendre ta traite dans pas grand temps? T'es trop brûlé, rendu raqué pour affronter la rue de l'année. T'as peur du 10, mon petit Chris, viens ici que je te fixe. Comme l'horlogiste, mon registre m'indique à 10 bacs. Y'a plus de tic, y'a pas de tac, y'a trop slack. Fait que je débarque chaque track, c'est des flashbacks. Mon attaque à line track, 2018-6. C'est la date que tu t'es fait battre. Percer le thorax, parqué. Buy me and that's a fact. Je sais que le monde sera pas surpris si sur ta tombe au lit. R.I. so R.I.P. Rest in, say rest in peace. Ayo, c'est sûr que t'es pas sorti d'ici. Aucun souci pour ta survie. C'est moi qui te le dis. Non, c'est pas fini. J'vais prendre autant que temps que ta mère apprend à cage, oui. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ça veut dire 14 verse, non, 14 phrases qui t'écrasent. Sous ta table d'échecs, t'as plus de cadre. Dernière phrase, oh, j'te rase la base. Tu peux plus te cacher, ma tour est venue te frapper. Suivi du chevalier, mon inventé peut crier. Échec et mat, mat, même si j'opte mat, mat. C'est moi qui ferme la trappe, qui perd la masse, qui passe ta trace. Qui close un waku, on the peace back. Fuck that, je déplace en faisant de l'air. Y'a ces claques, j'peux une misère. Ça sent la victoire dans l'air. Sniff, sniff. Pleure pourquoi t'as-tu peur que ton tourville finisse par savoir que t'es un fif anti-dis. Mais dans le fond, c'est réaliste. C'est réaliste. C'est réaliste. Que t'es un nécessité. Yeah, j'aurais bien aimé ça en rajouter. Mais je pense que je n'ai mis assez, man. J'étais mort. Yo, you're going down. Little bitch.